précédemment, dans 231 Germaine. Ah ouais, on voit bien que la chair a fusionné avec la vitre. J'ai même l'impression que la cuisson continue. Non, mon enfant, c'était cool. Bon, on n'avait pas de représentant des forces de l'ordre ici, alors devenir le premier shérif de Germaine, voire de la galaxie, ça en jetait. Pépé ? Oui ? À quelle heure avez-vous vu votre collègue Tylar Mortimer en vie pour la dernière fois ? C'était hier soir. Je rangeais les sacs de farine que Stiofan, Monsieur Floy, venait de nous livrer. Et qui s'occupe d'activer et désactiver la chape ? C'est automatique. Comme je vous l'ai dit, il n'y avait rien d'anormal. À part Tylar dans la serre. Je vais finir de nettoyer la serre cette nuit. Mais il n'y aura pas de pain demain matin. Ah bah ça c'est super, et j'espère qu'il fonctionnera bien. Bah, tu m'avais dit que tu avais du mal à faire le ménage sans arrêt, alors c'était la moindre des choses. J'ai tellement de matériel inutilisé, et ne pas en profiter ce serait bête. Ça fait plaisir en tout cas Tom, merci beaucoup. Allez, je le lance. Oh génial, oh là là, c'est beau de voir des trucs comme ça, hein. Merci, merci Higgins. Tu veux quoi pour la peine? Oh, un petit menu Fat Mac me suffira. À cette heure-ci? Oh, mais calme-toi, espèce de carnouille. C'est pas une bête, c'est le robot ménager que Tom nous a fait. Oh, t'es pas comparé en toi, hein? Fais-nous un menu Fat Mac. Il fait quand même du bruit, non? Un peu. Vous voulez que j'en sache? Oui. D'accord. Oh, salut, Bert. Ça va, et toi? Urgent. Non, parce que moi, j'ai pas fini mon café. Et là, Dim est occupé, quoi. C'est commissaire Hachette, O'Hara. Ouais, voilà. Ok, on arrive. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème urgent au ranch. Germaine, épisode 5, petite découverte. On arrive. Qu'est-ce qui se passe? Le tracteur marche plus, moi, laisse tomber. C'est pas vraiment ce que j'appelle une urgence, monsieur Texas. Eh ben, qu'est-ce qui va s'occuper de la récolte? Vous êtes tel que je vous donne des instilos et vous le faites tout seul. Vous allez voir si c'est pas grave, la merdeuse. Bon, vous savez ce qui bloque au moins? J'ai un proche-qui, là, m'a tout foutu en l'air. Quelqu'un vous a volontairement cassé le tracteur? Vous voulez déposer une plainte? Eh, mais y'a un macabre là-dedans. Quoi? Puisque je vous dis que c'est Starshot qui va tout défoncer ma voiture. Mais vous saviez qu'il était là? Mais ça fait combien de temps? Je sais pas, mais c'est pas joli. Oh la vache. Déjà que le café était pas bon, mais en plus il part sortir direct. Mais là, plus moyen. Change mon tracteur comme d'habitude. Avouons que j'ai du bon corps à publier des trucs et que ça agite de partout et y'a ma fumée, ça s'arrête tout seul. Et maintenant j'avais plus démarré, pisse fraîche. Vous n'avez vu personne dans le champ ce matin? Vous croyez vraiment pas que j'aurais la boîte à quelqu'un comme ça? Je suis pas fou quand même. Ah, mais du coup, on appelle le médecin ou le composteur? Oh. Ah ouais, c'est du steak haché à ce niveau. Bon, bah, on va quand même essayer de voir avec la docteure si elle peut en tirer quelque chose. Et puis j'en profiterai pour récupérer les résultats de Monsieur Mortimer. Stacy, emmenez Monsieur Texas au poste pour l'interroger sur le déroulé exact de sa journée jusqu'à maintenant. Bah d'accord, mais je fais ça où du coup? Ah ouais. Bah, emmenez-le aux frontières. Eh, mais je trouve pas mes fresquines dans le groupe, hein. Je m'en range à gérer. Et qui va surveiller les Luskenbrink qui l'adore le champ? Bon, bah, trouvez un endroit ici pour faire ça. La cuisine, la grange, peu importe. Et si je veux pas? Je vous enferme dans une cellule loin de votre ranch. J'avoue. Je trouverai. Bonjour, commissaire Hachette. Vous tombez à point. J'ai les résultats de l'autopsie de Monsieur Mortimer. Parfait. J'ai un nouveau corps à vous faire analyser. On l'a trouvé ce matin. On l'a laissé sur place à cause de son état... enfin, vous verrez. Vous êtes disponible maintenant? Le plus tôt est le mieux pour une autopsie. Je vais prévenir les patients du report des consultations. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis moi, je vais encore ce que je veux. Oui, bien sûr. Bon bah, moi je passe quoi en tout cas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Vous n'auriez pas soif par hasard? Si, je comprends. Merci de m'avoir empêché. Oui, vous inquiétez pas pour moi par contre, hein, je boirai chez moi. Hein? Mais rien de force. Comment? J'avais fini là, j'ai du boulot à faire. Bah, on a même pas encore commencé en fait. Vous avez rien de kick down. Ouais, Alors, vous avez une idée de qui ça peut être ? Non. Ok. Il y a des gens qui ont l'habitude de venir dans cet endroit à ces horaires. Dans cet endroit où il y a un chaud capot de tracteur ? Non, ça reste pas souvent, là. Tu m'étonnes. Mais dans le coin, je veux dire, autour du tracteur. Non. Genre, personne. Il y a jamais personne qui vient autour du tracteur le matin. Ou qui pourrait venir autour du tracteur. Non, on prend le droit. Enfin, si vous me demandez si je suis capable de venir, rien qui les empêche, sauf le risque de se prendre la fourche dans le rêve. Où ça ? Bon, j'ai analysé tout ce que j'ai pu de la scène. Je pense qu'on peut faire appel à Popo pour déplacer les restes. Vous aussi vous l'appelez Popo ? L'algorithme qui génère et actualise mon IA est programmé pour s'adapter aux mœurs et à la culture de mes patients et des personnes que je côtoie régulièrement, tout en gardant une zone plus libre, afin de ne pas se retrouver bloqué dans un schéma de pensée empêchant une réponse adéquate aux situations sortant de l'ordinaire. Afin que ceux-ci se sentent en sécurité et confiance et acceptent plus volontiers leur traitement. Quoi ? Popo a demandé que je l'appelle ainsi. Ah, d'accord. Attendez, je vous l'appelle. Vous avez des téléphones ici ? Non, j'ai mis en place un dispositif entre les habitants de la ville et moi, afin qu'ils puissent me contacter en cas d'urgence. Ce dispositif est indépendant de tout réseau de télécommunications standardisé et il ne permet des échanges qu'entre eux et moi. Intéressant. Ça pourrait être utile pour la police également. On en discutera plus tard. Est-ce qu'il y a eu au moins un truc que vous savez ? Enfin, je veux dire, il n'y a rien eu d'inhabituel ? Bah si, un cadavre dans mon tracteur. Ok. Vous n'avez pas un technicien qui s'occupait du tracteur ? Si. Ah, et c'est qui ? Moi. Bon, on pourrait aller voir vos employés, essayer de savoir s'il en manque un. Ce serait un bon début. Mais parce qu'on n'a pas encore commencé là. Ah bah, comme ça, j'en ai encore jamais eu. Il faut dire que c'est calme ici, et puis c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. En tout cas, on peut dire que vous m'avez bien mâché le travail. Ah. Du coup, il vous faut quoi, docteur ? Des échantillons, ça suffira ? Des échantillons, ça va être facile à faire, hein. C'est déjà prédécoupé. Et je vous mets tout dans le même sac ? Vu l'état, ça va être compliqué de garder la forme du corps. Aucun souci, Popo. Mettez tout ce que vous pouvez dans ce sac et je reconstituerai tout dans mon laboratoire. Et voilà votre sac, docteur. N'oubliez pas de me le redonner avant de l'utiliser sur vos plantes. Merci pour votre aide, monsieur Pépon. Serait-il possible d'assister à l'autopsie avec vous, docteur H0U53 ? Bien sûr, commissaire. Je sens une hausse de votre pression artérielle, shérif. Êtes-vous mal à l'aise ? Non, pas du tout. Mais on pourrait pas juste ouvrir la fenêtre, hein, parce que ça sent comme une fourrière illégale ici. En quoi c'est différent de votre ménagerie ? Alors, dans ma ménagerie, ils sont heureux, et tous en vie. Et bien que ça a l'air de rien, c'est deux paramètres qui sont relativement importants quand même. C'est pas comme ici. Vous voulez être sûr que vous voulez pas ouvrir la fenêtre ? Je suis navré, shérif. Il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce, mais vous pouvez augmenter l'air conditionné. Ok, cool. Merci. Oups. Oula. Ah. Non. Voilà. Oh non. Oh putain. Oh. Désirez-vous sortir ? Oh non, tout va bien. Tout va bien. Je gère. Je suis un grand garçon. Très bien. Je vais analyser l'épiderme pour essayer de voir s'il y a eu des contusions antémortem. Un échantillon pour l'analyse ADN. Maintenant qu'il ne reste que le squelette, je vais pouvoir essayer de trouver une éventuelle trace de coup qui aurait causé la mort. Même si vu l'état des os, il va être difficile de différencier le broyage mécanique du reste. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle était déjà décédée ? La coagulation. Le sang qui s'est répandu dans le tracteur n'était pas frais. La mort remonte à plusieurs heures avant que le moteur ne soit allumé. Il a bien fait de sortir. Son état était alarmant et me déconcentrait. Je n'aurais pas souhaité qu'il ajoute du vomi à cette bouillie. Vous pourrez en tirer quelque chose ? Du shérif O'Hara ? Du cadavre. Pas en l'état. Je vais utiliser les images que j'ai enregistrées pour effectuer une reconstitution numérique. Mais je ne garantis rien. En revanche, je pourrai vous révéler son identité dès que l'analyse ADN sera complète. Merci, docteur. Dites, vous avez souvent des décès ? C'est le deuxième en une semaine. Je me demandais si c'était normal, parce que j'ai l'impression qu'à ce rythme, la population décroît rapidement, non ? À moins que vous n'ayez beaucoup de naissances. Les décès ne sont pas réguliers. Certaines périodes propices à la fatigue ou aux contagions entraînent des décès plus fréquents. Les grandes canicules estivales tuent également de nombreuses personnes âgées. En ce qui concerne les naissances, cela s'applique aussi, sans qu'on puisse vraiment trouver de causalité, cette fois. Et des décès violents comme cela ? Ça arrive, malheureusement. Merci. Oh ! Oh, le bon air frais de Germaine. Frais ? Ouais, enfin, ça sent pas la mort, quoi. Hein ? On fait quoi ? J'ai le rapport d'autopsie du boulanger à lire, et vous, le rapport d'enquête à rédiger. Ah, super. Allez, au bureau. Ah, il était déjà mort au moment du décès. Enfin, avant des nuits d'enfant, quoi. Bon, c'est du propre, commissaire. Et vous avez pris quoi comme cocktail ? Un double note. Ah, je trouve ça trop sec. Ouais. Vous parlez du cocktail ou de Mortimer ? Attendez, vous êtes vraiment bourré ? Oh, mais non. J'essaie de rire un peu. Je suis pas toujours coincé. Ceci dit, entre le mec qui se transforme en pain et le mec qui se transforme en pâté, il y a quand même moyen de se faire un truc. Oh merde, vous êtes horrible. Alors plus jamais je veux voir ça. Hein. Franchement, j'ai jamais vu un truc aussi dégueu dès le matin. C'est vrai ça. Depuis que vous vivez ici, vous avez déjà eu affaire à des cas de morts sordides comme celle-ci ? Bah en général, les morts les plus dégueux, c'est surtout sur la partie sauvage de Germaine. Hein. C'est là où il y a les animaux qui protègent leur territoire. Il y a une partie sauvage sur Germaine ? C'est marrant parce que d'habitude les gens demandent s'il y a une partie civilisée. Mais ouais, je vous emmènerai si vous voulez un jour. Hein. Sinon, la plupart du temps, c'est des petits vieux qui meurent. Bah, c'est sordide, mais c'est naturel, quoi. Tout ce que j'espère, c'est que ça va s'arrêter là. Oui, enfin, on a un meurtrier en liberté. Ça, on peut en être sûr. Pardon, mais agressif, il y a un ou deux G ? Oui. Oh là là, vous voulez pas décuver un peu avant de continuer à lire le rapport ? Oh non, il faut que je finisse ça. Et si tu t'en prends, mon petit robot ménager, je te fais avaler tes tentacules ! Mais non, je le préfère pas à toi ! Mais il est fragile ! Et si tu veux pas qu'il nettoie sans arrêt le sol autour de toi, t'as qu'à cuisiner proprement. Oh, on lui a pas donné de nom. Hey, Stacy, t'as une idée de nom pour le robot ménager ? Marley ! Ouais, non. Et vous, commissaire ? Pistache. Ah ouais, d'accord. C'est pas votre fort à la police de trouver des noms, hein, Mac ? Ouais, mais c'est imprononçable, ton truc. Niveau de dioxygène à 85%. Il a parlé, lui ? Ah, vous l'avez entendu aussi ? Je me demandais si j'étais pas réellement saoul. Ah, mais vous l'êtes pas ? Ceci dit, c'est pas mal, le dioxygène. En plus, il passe l'aspirateur, alors ça marche bien. Exactement. Qu'est-ce que c'est agréable, ce calme. J'avais perdu l'habitude d'entendre les bruits de la nature. Ouais, c'est sûr. Ça fait du bien de s'éloigner des villes. Je viens régulièrement ici avec ma guitare, et je me laisse emporter par l'atmosphère. C'est pas sympa pour les animaux qu'on vient demander. Mais du coup, vous avez des compositions terminées ? Quelques-unes. Souvent, j'oublie de prendre de quoi noter, et du coup, j'oublie la moitié en rentrant. C'est vraiment joli, ici. Mes parents m'emmenaient explorer les environs presque tous les soirs, quand c'était les environs d'autres planètes. J'ai eu de la chance de rencontrer plein d'animaux sauvages. C'est peut-être pour ça que je les aime autant. Vous avez pensé à construire un grand endroit rien que pour vos animaux ? Et elles doivent être à l'étroit dans l'aménagement, non ? Évidemment, j'ai juste pas eu le temps de m'y mettre, quoi. Faudrait prévoir une niche spéciale pour chacun, acheter le matériel pour l'enclos, mais aussi pour leur faire différents environnements qui leur plaisent, quoi. Et pour ce qui est du bricolage, ben, moi j'ai deux pieds gauches à la place des mains. Bah, c'est vrai qu'il faudrait employer des personnes pour faire ça bien. Ouais, mais je vais pas les employer gratuitement. C'est pour ça qu'il faut que je vous fasse entrer officiellement dans la police, que vous ayez enfin un salaire. Au fait, je serai pas là demain. Ça ira ? Vous partez ? Ouais, j'ai des trucs à faire sur une autre planète. Encore du sauvetage d'animaux ? Je vous raconterai. De toute façon, vous ne faites pas partie de la police et je ne suis pas votre employeur, donc vous faites ce que vous voulez. Ah oui ? Si je vous avais dit non, vous seriez resté ? Non, c'est vrai. Bah voilà. C'était plus une question rhétorique. Ouais, je m'en suis rendu compte. Qu'est-ce qu'on entend là ? Ça, c'est la navette. À 7h ? Elle vient d'atterrir, on dirait. C'est rare aussi tard, mais bon, ça arrive. Je crois que les seules autres fois, c'était des nouveaux employés du ranch. Il doit y avoir une super réputation en dehors de Germaine, parce qu'il y a toujours plein de nouvelles personnes qui viennent spécifiquement pour y travailler. Ils viennent des quatre coins de la galaxie, et la plupart du temps, ils parlent même pas la langue commune. Le germénien. On peut l'appeler aussi le 231 pour les intimes. Oh, regardez, des pistouilles. Venez. C'est quoi des pistouilles ? Chut, vous verrez. J'en ai recueilli une fois. Elle s'appelait Georges.